Merci d'écouter la première. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et d'une intelligence exceptionnelle. Cette semaine, meurtre à Stockholm. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. La mort d'Olof Palme. La mort n'a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. Nous l'avons évoqué hier en compagnie de Michel Noll, producteur de la série Assassinat politique, l'une des figures qui ne pouvait pas ne pas figurer au panthéon de ces personnalités assassinées. C'est bien l'ancien Premier ministre suédois, Olof Palme. Demain, nous aurons l'occasion de retracer le portrait de ce personnage marquant, non seulement de la politique suédoise, mais personnage également hors norme sur la scène internationale. Fréquemment qualifié de John Fitzgerald Kennedy suédois, Olof Palme a-t-il tranché avec les habitudes séculières du personnel politique suédois ? Quel fonctionnement, quelles habitudes a-t-il bousculé ? Pour répondre à cela, il nous faut bien sûr tenter d'approcher ce lointain pays où, une fois encore, Sapiens aura été modelé tout autant par le climat, le paysage qui l'environne, avant que tout cela ne prenne forme, strate par strate, et ne façonne une nouvelle histoire vivante. Chapitre 1. Direction plein nord. C'est une bande de terre située au nord de l'Europe, plus longue que large. 1500 km de longue terre sur 500 de large. Deux mers bordent ses côtes. Mer du Nord et surtout la Baltique. C'est une région du monde où la violence des vents imprime une vie de combat permanent pour le marin. L'eau y est en permanence à quelques 7 degrés. Les années chaudes, on gagnera 2 petits degrés, jamais plus. Pour s'extraire de cette masse d'eau nichée entre les terres, il faut être un navigateur hors pair. Ainsi, en empruntant les détroits exigus de l'Øresund, du Grand Belt, on finit par établir enfin l'unique contact avec l'autre mer, celle du Nord, qui permet d'aspirer au grand large et de s'éloigner davantage du cercle polaire. C'est ce que firent avant tous des premiers marins exceptionnels. 7 années avant même que le pape Léon III ne vienne déposer sur la tête de Charlemagne la couronne, faisant de lui le chef du Saint-Empire germanique, un texte, la chronique anglo-saxonne, enregistre le premier raid viking de toute l'histoire. Cette année-là, des phénomènes inquiétants se manifestèrent en Northumbrie, le principal royaume du nord de l'Angleterre. Et ces phénomènes terrifièrent les habitants. De brusques lueurs apparurent dans le ciel. De féroces dragons traversèrent les nuées. Une famine s'abattit sur le pays. Et le 8 juin, des pillards païens détruisirent l'église de Lindisfarne, ravageant et massacrant tout ce qui passait à leur portée. Olquin religieux anglais devenu le principal conseiller de Charlemagne, s'en fit aussitôt l'écho sur le continent. Jamais personne n'avait ressenti en Angleterre une terreur comparable à celle que viennent d'y semer les païens. Nul n'imaginait qu'une pareille incursion de gens venus de la mer fût possible. Ces pillages qui s'installent pour 250 années vont obéir à un certain nombre de règles simples dont on se départira rarement. Les lieux principaux pillés sont bien sûr les ports, en fonction des extraordinaires richesses qui s'y accumulent. Puis le pillage se diversifie. À celui des ports s'ajoute celui des églises ou des gens de fortune. Puis vient l'époque de la capture du bétail, puis la capture de l'être humain et sa mise en esclavage. Une évolution classique et toujours inéluctable dans l'histoire de la domination des peuples. Plutôt que de rapporter leurs richesses sur leur terre d'origine et risquer un nouveau et périlleux voyage, les Vikings occupent bientôt les espaces qu'ils envahissent, agrandissant au fur et à mesure un royaume de Suède qui, pour l'heure, garde des frontières imprécises. Chapitre 2. Après la pagaille, l'ordre. Les distances entre les habitants sont si grandes et les étendues si vastes, on ne parle pas d'un pouvoir central, mais d'une somme de petits potentats édictant des règles et des lois à l'échelle locale. Et puis, peu à peu, de cet agglomérat, un découpage apparaît. Sans doute le royaume de Suède finit-il par naître au XIIe siècle, à mesure que le christianisme lui-même gagne peu à peu du terrain. Dès que cet embryon de royaume se constitue, l'Église n'a de cesse de soutenir le royaume qui gagne en force et en puissance. Alliées à la Norvège par un régime d'union, les villes n'ont dès lors de cesse de croître et de se développer. Mais si les villes progressent, il devient de plus en plus manifeste que les idées et les croyances font se multiplier les conflits. Il en est ainsi de cette terre aux 96 000 lacs. Peu à peu, son adhésion à la réforme luthérienne l'oppose dans une lutte quasi ininterrompue de guerre avec les puissances catholiques d'Europe centrale. Paradoxe, c'est du côté de la France que la Suède trouve son allié le plus sûr. En tous les cas, prenant peu à peu le contrôle des grands fleuves allemands, elle entre dans l'ère de sa grande puissance, dominant Danemark, Norvège, Finlande, Estonie du Nord, Livonie. Et puis l'ancien allié devient le nouvel ennemi. Le pays perd peu à peu ce qu'il avait gagné. Des terres qui avaient été prises sont redonnées, les cartes sont redistribuées, et ainsi, de gouvernement en gouvernement, de pouvoir en pouvoir, il finit par se former un système représentatif basé sur deux chambres, sur deux assemblées. Mais avant de s'aventurer dans une Suède plus moderne, dans la Suède du XXe siècle, arrêtons-nous un instant sur le paysage de ce pays avec Bertil Galland, qui est au micro de Bernard Peterson en juillet 1986. Eh bien, différence de paysage, il n'y a pas de montagne au Danemark. Nos montagnes, disent-ils, c'est nos nuages. C'est un pays de collines, d'agriculture. Il y a des bois, des beaux bois, mais c'est des bois de hêtre, un peu comme en Europe centrale. Et dès qu'on a franchi les limites de la Suède, qui est comme une île elle-même, puisque c'est une péninsule, dans le sud, en Scanie, c'est le même paysage que le Danemark. Mais tout à coup, de manière extrêmement nette, quand on prend le train, on le voit, on entre dans la forêt et elle n'arrêtera pas avant le Grand Nord au-delà du cercle arctique. On ne verra jamais la forêt s'interrompre. Donc c'est véritablement la Suède est véritablement un pays de forêt. Suédois, Danois, Norvégiens, peuple mêlé, peuple opposé, ils se ressemblent autant qu'ils divergent. Bertil Galland. La différence de mentalité entre les Danois et les Suédois est aussi très grande. J'appellerais plutôt la Suède le pays magistère, c'est-à-dire qu'il y a une certaine raideur, une certaine difficulté de contact, mais une très grande tenue, un peu comme un maître qui veut faire la leçon, qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. On l'admire, mais quelquefois on est un petit peu agacé par son désir de faire la leçon. Et c'est comme ça que le ressentent, par exemple, les Norvégiens qui ont toutes sortes de blagues sur les Suédois, qui disent que lorsqu'on sera au paradis, on sait très bien qui on trouvera, c'est les Suédois qui nous diront ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc ça, c'est la réputation qu'ils ont. Le Nord en hiver. Images, tableaux, contes et légendes. L'aube, ce matin-là, c'était entre Noël et Nouvel An, avait éclairci le ciel avant 8 heures. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi, nous pouvions voir notre chemin. Mais la lumière était si pâle, en vérité, que nous avions l'impression de nous mouvoir dans une vieille photographie. À peine si les herbes mortes dépassant la neige jetaient sur le noir et blanc leur jaune délavé. Nous avons fait halte en pleine forêt, près d'une ferme abandonnée. Le rouge de ses poutres semblait gris. Monde deux fois funèbre où la mélancolie l'emportait sur la tristesse. L'eau d'un ruisseau gargouillait sous la glace. Les élans étaient venus brouter l'extrémité des branches dans le clos des petits fruits et ils s'étaient éloignés. Ils avaient marqué leurs gros pas dans le marais que nous devinions, là où les arbres s'écartaient. Les animaux s'étaient couchés, ils avaient laissé des baignoires dans les buissons. Nous avons vu un autre jour au bord de la route blanche une femelle noire et difforme, l'arrière-train rachitique, le long mufle levé vers les ramures les plus fines d'un boqueteau. Elle s'éloigna sur un étang, son veau derrière elle batifolait. « Je ne veux pas vivre dans le sud », nous a dit mon petit cousin. « Vous n'avez pas l'hiver ». Comme il existe sur cette terre un empire dit du soleil levant, il existe également une terre où le soleil n'est plus qu'un astre pâle délivrant des lumières légères, indéfinissables. Vous avez une aube avec des couleurs de gorge de pigeon, de rose, extraordinaire, ce qui nous, disons, tire des cris d'admiration lorsqu'on voit ça chez nous au début du jour. Mais voilà que ces couleurs restent. Elles restent 1, 2, 3 heures. Et peu à peu, vous apercevez que le crépuscule du matin est devenu le crépuscule du soir. Et puis, c'est fini. On peut dire que ces quelques heures de jour sont véritablement d'une force, d'une puissance, dans la douceur et dans les nuances, qui fait que j'en garde la mélancolie et que les brèves journées d'hiver sont certainement l'une des plus grandes émotions qu'on puisse avoir dans le Grand Nord. Même quand on ne voit plus du tout le soleil, comme c'est le cas au-delà du cercle polaire. Étrange pays qui évolue, passant de l'esprit guerrier des Vikings à celui hégémonique de la grande puissance, pour être comme ramené à sa place véritable. Celle d'un pays moyen, mais doté de richesses à exploiter. Ainsi, le pays prend le chemin de son évolution et si très vite une démographie quelque peu galopante, peut-être quelques conséquences des longues soirées d'hiver, ainsi qu'une agriculture limitée impose un exode important, notamment vers les États-Unis, la Suède prend à bras-le-corps le fer et le bois comme arme de sa nouvelle puissance, désormais industrielle. Sandersvit. Chant de berger en dialecte suédois, suivi de deux polskas de Alf Dahlén, d'où est originaire la chanteuse Lena Vilmark. Particularité de la musique suédoise, les quarts de ton y sont très utilisés à la voix comme à l'instrument. Bod stjögrar så sälda och berglov du får. Tag min del för den kumtire mig. Chapitre 3. Neutralité douteuse. Le XXe siècle est pour la Suède, comme pour bien d'autres contrées, le siècle des changements et des bouleversements. Cela fait 100 ans qu'un Français, le maréchal Bernadotte, a contraint la Suède à accepter un régime d'union avec la Norvège. Cette union est un véritable mariage forcé. La Norvège ne l'a jamais accepté. Voilà un siècle que de nombreux et violents conflits opposent Stockholm et Oslo, ou plutôt non, Christiania, tel est son nom à l'époque. L'éviction du pouvoir de Bernadotte ne change rien à cela, et les deux pays, Suède et Norvège, se voient collés l'un à l'autre sans que cet état de fait ne plaise ni à l'un ni à l'autre. Puis, aux premières lueurs du XXe siècle, l'union forcée est dissoute au plus grand bonheur de chacun, et qui plus est, dissoute pacifiquement. Le fait est assez rare dans l'histoire, il mérite bien d'être relevé. Un gouvernement de droite, favorable à l'Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale, doit laisser la place au Parti social-démocrate, la même année où les bolcheviks de l'énorme voisin russe entreprennent la révolte la plus énorme qu'un peuple ait jamais osé dans son histoire. Nous sommes en 1917. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Suède prend son abonnement au club des pays neutres, ce qui ne l'empêche ni de soutenir la Finlande durant la guerre d'hiver en 39-40 contre l'agression de cette terre désormais qualifiée de soviétique, ce qui n'empêche pas non plus d'admettre la présence de la lettre J sur certains passeports, ni d'en refouler de ces terres les propriétaires des dix passeports, pas plus que ce pays neutre ne s'interdira d'interner dans des camps syndicalistes, anciens brigadistes internationaux, ceux qui sont allés en Espagne combattre Franco et ses troupes, ainsi que faire la razzia dans la plupart des milieux de gauche et des milieux anti-nazis. Le journaliste suédois Piotr Pratt écrira un jour « L'impression qui s'impose est que la police et l'armée considèrent l'Allemagne plutôt comme une puissance alliée et l'Angleterre et les Russes comme des ennemis potentiels. » Une chose est sûre, la bienveillance suédoise est capitale pour les Allemands. Les livraisons de fer sont décisives pour la conduite de la guerre. Elles commencent dès le 21 mai 1940. Chapitre 4. Prémices d'un modèle. L'après-guerre installe en Suède un régime quasi intangible, celui de la social-démocratie. Et l'on va, peu à peu, parler du modèle suédois. L'un des poumons de ce modèle étant bien sûr sa politique de neutralité qu'elle réussit à maintenir et à préserver largement au-delà de la Seconde Guerre mondiale et qui lui fait avoir une voix au concert des nations du monde. Dans quel terreau ou dans quelle tourbe la Suède plonge-t-elle ses racines pour entretenir cette neutralité? Nous retrouvons Bertil Galland. Le côté, j'allais dire de manière un peu méchante, mais je peux en parler puisque je suis à moitié suédois, le côté un peu scolaire, n'est-ce pas, de la Suède. Cette conscience aiguë à la fois de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et aussi la conscience certaine de supériorité. Elle est due au fait que la Suède était un pays très dominant, pas politiquement, historiquement. Elle a dominé la Norvège pendant un certain temps, elle a dominé aussi la Finlande, et puis enfin elle était en concurrence avec le Danemark, qui lui n'a jamais été dominé par les voisins suédois. Mais enfin, il y a une sorte de fierté, je dirais, qui n'est pas du tout méprisable, parce qu'elle a un solide fondement dans des réalisations tout à fait remarquables, industrielles, sociales, littéraires, artistiques. Mais ça s'est tourné d'une manière tout à fait particulière, parce qu'il y a, je pense, comme caractéristique fondamentale de la Suède, un instinct collectif. Ce sont des gens qui agissent beaucoup collectivement. Et par exemple, leur esthétique, qui est si frappante, par exemple dans leurs meubles, qui se vendent beaucoup ici, c'est une esthétique qui est aussi collective. Et alors l'idée, c'est, disons, le pas est vite franchi vers la notion d'une sorte de règle, de norme, entre ce qui est bien et ce qui est mal à l'échelle internationale, avec, à vrai dire, peu d'expérience politique. Ce qui fait que les méchants et les bons, on en fait des catégories très très rapidement en Suède, et ça nous fait un petit peu ricaner lorsqu'on a une petite expérience à faire du monde. Ce qui n'empêche pas qu'ils en ont aussi, mais il y a cette approche didactique. Ainsi, cette société, issue de ce qui fut autrefois une grande puissance, cède-t-elle à la tentation de s'exposer en modèle? Mais un pays, nous le savons, n'est jamais uniforme. En Suède, il n'y a pas que des Suédois convaincus, il y a aussi de farouches opposants. Contre ce socialisme donneur de conseils, il y a une révolte profonde des intellectuels suédois, qui étaient en grande majorité socialistes avec tous les artistes dans les années 60, et qui, depuis une dizaine d'années, ont tourné casaque et voient dans le socialisme suédois un socialiste de la nouvelle nomenclatura. Peut-être pas aussi, avec pas les armes de la violence, la prison et les camps comme dans l'Europe de l'Est, mais un pays où on sent un léger parfum d'une sorte de totalitarisme, je dirais, culturel, sans violence. Mais la violence vient du fait que tous les postes clés sont occupés par des fonctionnaires culturels, sociaux et autres qui disent à la population et subsidiairement au monde ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et nous retrouvons la notion là du pays magistère. Lorsqu'on sait que plus de la moitié, maintenant nettement plus de la moitié du revenu national de la Suède est consacré à des dépenses des pouvoirs publics, c'est-à-dire que plus de la moitié de tout ce qui se passe économiquement et mesurablement et qui puisse être mesurable financièrement en Suède passe par des décisions de gens qui sont des fonctionnaires, on s'aperçoit du poids. Et alors au fond, pour être très bref, il y a une notion qui apparaît peu à peu et qui déboule, on peut dire avec force, dans les débats intellectuels suédois, c'est l'idée défendue maintenant par les intellectuels que, en soi, un système aussi concentré devient pesant et dangereux pour la liberté de l'homme. Demain, un acteur essentiel de cette société pétrie et nourrie des meilleures intentions, le socialiste Olof Palme. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Alain Freudiger. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine, Danielle Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Nous vous disons à demain pour d'autres chapitres.